Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal du 13 avril 2017. Voici tout de suite les grands titres de cette édition. L'Université du Burundi vient d'exclure 8 étudiants parmi les représentants des autres en grève contre le décret présidentiel portant réorganisation de la gestion des bourses d'études et de stages. Ces derniers trouvent que cette décision n'est en aucun cas de nature à résoudre cette crise. De son côté, le porte-parole du président de la République répond que ces étudiants n'ont pas de choix, expliquant que le décret en question est lié à l'entrée du Burundi à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Et le vice-président du parti Sawanya Frodebou exprime son pessimisme par rapport à la relance du dialogue extérieur par les chefs d'État de l'EAC qui se réunissent en sommet le 10 mai prochain. Pour Léonce Ngendakoumana, l'obstacle majeur reste le manque de volonté politique affichée par le gouvernement de Bujumbura. Et le ministère burundais de la Santé publique annonce qu'un plan de riposte contre la malaria déclarée épidémie depuis le 13 mars dernier a déjà été élaboré et demande à tous les malades de se présenter aux structures sanitaires les plus proches pour des soins gratuits. Et justement, dans les nouvelles de Provence, notre correspondant Jean-Claude Nchimirimana nous rapportera que 13 enfants sont déjà morts en province de Ruyigi, alors que plus de 1000 ont été accueillis dans les structures de soins de cette province de l'est du pays. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Oh bonjour, je venais de vous le dire. Huit représentants des étudiants de l'Université du Burundi ont été exclus pour une année académique dans une décision rectorale de ce mercredi. Le recteur s'appuie sur ce qu'il qualifie de pure tricherie constatée dans la récente correspondance adressée au président de la République par les représentants des étudiants. Certains de ces représentants affirment que cette décision ne résout en aucun cas la crise consécutive aux revendications des étudiants. Alain Désiré Boukayenet. Dans la décision rectorale de ce 12 avril cette année, le recteur de l'Université du Burundi considère que des sanctions s'imposent à l'égard de certains délégués généraux. Et pour cause, Gaspard Banyangimbona précise que ces derniers ont commis une tricherie dans une correspondance du 24 mars adressée au président de la République. Pour lui, certains étudiants se sont adressés aux responsables chargés de la sécurité pour retirer leur signature dénonçant les manœuvres frauduleuses. Oui, étudiants sont exclus de l'Université du Burundi pour une année académique. Il s'agit de Pacifique Ndayishimiye de la Faculté des Sciences de l'Ingénieur, Evrard Gashirahamwe de la Faculté d'Économie, Patience Mbonabucha de l'Institut de Pédagogie Appliquée, IPEA, Aloïse Bikorimana de l'Institut de l'Éducation Physique et du Sport, IEPS, Emerine Chutina Magara de la Faculté des Sciences, Jean Bosco Bakanibona de la Faculté de Droit, qui est pour le moment entre les mains de la police, et Désiré Havyarimana de la faculté de psychologie. L'un des délégués dit que cette décision ne vient rien résoudre. L'urgence pour lui serait d'entamer le dialogue, ce qui permettrait aux étudiants de regagner les auditoires. Depuis nos revendications, les étudiants ne cessent d'être poursuivis, raison pour laquelle cette mesure sortie ne nous a pas surpris. Décision qui ne répond en aucun cas la question qui handicape l'Université du Burundi. Le mieux serait de libérer ceux qui ont été emprisonnés, de retourner nos chers condisciples qui viennent d'être exclus. Nous demandons aux autorités compétentes d'entamer le mouvement de dialogue et dans ce cas, rien ne nous empêchera de vaquer aux activités. Dans la correspondance qui est à l'origine de cette sanction, les étudiants demandaient au président de reconsidérer le nouveau décret portant réorganisation des bourses d'études et des stages. Alain Désiré, le recteur de l'Université du Burundi, promet de réagir à ce sujet dans l'après-midi de ce jeudi. Réaction de la présidence de la République à travers la voix du porte-parole du président. Les étudiants des universités publiques n'ont pas le choix d'accepter ou de rejeter la loi instituant la prébourse parce qu'elle est liée à l'entrée du Burundi dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Telle est la position de la présidence en réponse aux contestations des étudiants. Cependant, le porte-parole du président de la République promet que les institutions habilitées et les experts vont continuer à se pencher sur le différend entre la présidence et les étudiants pour que ces derniers n'intègre pas la rue. On l'écoute, il est traduit par Joseph Sabiyavanti. Gamero itegeko ryagiyeho ni byiza ni itegeko rishira imbere ineza y'abarundi bose ni itegeko riza gufasha ugwaruka go muri iki gihe. La loi qui a été mise en place est une très bonne loi. Elle protège les intérêts de tous les Burundais, de tous les étudiants d'aujourd'hui mais aussi ceux de demain. Cette loi s'inspire des conclusions des états généraux sur l'éducation qui ont réuni toutes les parties prenantes dans le domaine de l'éducation. Il y avait des parents, des représentants des étudiants mais aussi des responsables des universités. Nous vous rassurons que les autorités en charge de l'éducation et les experts vont continuer à se pencher sur cette question car nous ne pouvons pas permettre que les étudiants aillent dans la rue. Il y a une disposition qui stipule que pour suivre les cours afin de décrocher un diplôme de master, on doit d'abord rembourser. Cela répond aux standards de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Ailleurs, on doit d'abord travailler 2 ans. Qu'à cela ne tienne, l'État burundais ne va pas demander de l'argent aux étudiants qui n'aura pas octroyé de l'emploi. Qu'ils soient rassurés. Jean-Claude Karigwa, c'est le porte-parole du président de la République. Santé à présent, le ministère burundais de la Santé publique appelle les malades souffrant du paludisme déclaré comme épidémie depuis un mois, à partir du 13 mars dernier, à approcher les centres de santé proches pour être soignés. Dionyse Nizigimana, le directeur national du programme national intégré de lutte contre le paludisme, rappelle que cette maladie est traitée gratuitement et en séjour. Il dit que le ministère, en collaboration avec ses partenaires comme l'OMS, l'UNICEF et autres, sont en train de tout faire pour éradiquer cette épidémie. Il se base surtout sur un plan de riposte déjà élaboré. Suivez plutôt Dionyse Nizigimana, c'est le directeur national du programme intégré de lutte contre le paludisme. C'est un plan de riposte qui contient pas mal d'accès d'intervention. Notamment, il y a l'accès d'intervention à la pôle avec la prise en charge. Il y a l'accès d'intervention à la pôle avec la prévention, c'est-à-dire il y a l'utilisation des moustiquaires et puis la pulvérisation intradomiciliaire. Il y a aussi l'accès à la pôle avec la mobilisation des ressources et la communication. Et aussi, il y a l'accès qui est à la pôle avec la coordination. Est-ce que les partenaires se sont multipliés? Est-ce qu'ils sont actifs? Ils se sont multipliés, ils sont actifs, justement. Il y a les partenaires qui sont sur terrain dans l'élaboration des micro-planifications justement pour faire face à cette épidémie. Donc, et puis en plus de ça, il y a certains partenaires qui nous ont déjà donné les médicaments. Ici, je vais dire par exemple, il y a l'UNICEF qui a donné beaucoup de médicaments dont le prépositionnement a été fait depuis samedi. Maintenant, ces médicaments se trouvent dans les districts sanitaires. Il y a aussi World Vision qui a donné des médicaments, MSF Belgique aussi, des experts qui sont venus de l'OMS c'est Afro justement pour appuyer, pour essayer de donner des orientations de la façon dont il faut faire face à cette épidémie. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le Fonds mondial et aussi qui va acheter des médicaments dont le coût s'élève à 3,2 millions de dollars. Quel est l'appel que vous lancez aux patients? La maladie est désormais traitée gratuitement. Oui, il ne faut pas que les gens aient peur d'aller justement dans les formations sanitaires tout en disant qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les médicaments. Et en plus de ça, vous savez que d'ailleurs, depuis longtemps, le traitement de première ligne, c'est un traitement qui est gratuit. Et en plus de ça, je vais faire un appel vibrant surtout à la population d'utiliser vraiment les moustiquaires en bon escient et aussi de ne pas les utiliser pour des faits qui ne sont pas destinés. Et d'ailleurs, j'appelle l'administration qui est en train de nous écouter de nous aider à porter loin ces messages. Vous-même, les journalistes, portez loin ces messages pour que la population puisse adopter des comportements qui soient adéquats. Dionyse Nizigimana, c'est le directeur national du programme intégré de lutte contre le paludisme. Santé toujours, plus de 1000 enfants ont été accueillis dans les structures de soins en province de Ruyigué au premier trimestre de cette année, cela à cause de la malnutrition. Et parmi ceux-là, 13 enfants sont déjà morts. Le médecin directeur du bureau provincial de santé fait savoir que certains parents préparent des repas accusant des insuffisances nutritionnelles par ignorance. Correspondance de Jean-Claude Chimirimana. Selon des informations recueillies au bureau provincial de santé à Ruyigui, 1150 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition ont été accueillis dans les structures de soins au premier trimestre de cette année en cours. Parmi eux, 117 qui souffraient de la malnutrition aiguë sévère avec complications médicales ont été traités étant au lit des hôpitaux où ils recevaient des soins curatifs et une réhabilitation nutritionnelle à base de lait puisqu'ils étaient incapables de manger quoi que ce soit. 1033 autres qui souffraient de la malnutrition sévère ont été traités au niveau des centres de santé, là encore avec réhabilitation nutritionnelle à base de la bouillie. Pour les deux catégories, 13 enfants sont morts selon des données recueillies au même bureau. Docteur Pierre Minani, médecin directeur du bureau provincial de santé, dit que certains parents donnaient aux enfants des repas qui accusent des insuffisances nutritionnelles par ignorance parce que selon lui, les aliments nécessaires pour la préparation des repas équilibrés sont disponibles dans les ménages. En vue de prévenir la malnutrition, Docteur Pierre Minani fait savoir qu'un programme d'apprentissage sur la préparation des repas équilibrés à base des aliments locaux et sur les bonnes pratiques d'hygiène est désormais envisagé au profit des femmes enceintes et allaitantes. Il indique qu'un renforcement des capacités a été fait au début de cette semaine en cours pour 811 agents de santé communautaire qui vont s'acquitter de cette tâche d'enseignement sur toutes les collines de la province sous la supervision des techniciens chargés de la promotion de la santé. Pour l'année 2016, 13 843 enfants ainsi que 5 138 femmes allaitantes ont souffert de la malnutrition aiguë modérée. Jean-Claude Nchimilimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h08 à Bujumbura. Vous êtes branché sur Isanganiro. L'espoir est très minime que le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, prévu le 10 mai prochain, relance le dialogue inter-burundais extérieur. Le vice-président du parti Sawanya Frodebo, qui le dit, trouve que le gouvernement de Bujumbura ne veut pas que ce dialogue arrive au bon port. Léonce Ngendakumana indique qu'au niveau de l'opposition, on est prêt à dialoguer sans condition. Mais ajoute-t-il, il reste à savoir si le gouvernement aura la volonté de dialoguer. On l'écoute. Il répond aux questions de Joseph Sabiyabandi. L'espoir s'estompe pour deux raisons. La première raison, c'est que le pouvoir de Bujumbura a déjà pris une option d'utiliser la force pour gérer cette crise. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous entendez, il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est hier, où le conseil en communication a osé dire qu'il n'y a pas de crise politique au Burundi. Ça, c'est un témoignage assez évident que ces gens-là ne veulent pas entendre la logique des négociations, la logique du dialogue. La deuxième chose, c'est que la communauté internationale, particulièrement la région, commence à se fatiguer. On voit qu'il y a un désengagement de la communauté internationale sur le cas du Burundi. On voit qu'il y a un désengagement même de la médiation. Et cela pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de convaincre le gouvernement de Bujumbura à répondre présent aux négociations. Il n'a jamais voulu répondre à ces négociations. Il a toujours su trouver des prétextes. Alors, ce sommet ont été prévus d'abord à la fin du mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. Et aujourd'hui, c'est au mois de mai, alors qu'on devrait avoir un accord au mois de juin. Vous comprenez quand même que le risque est grand qu'il n'y ait pas un accord au mois de juin. Même si on faisait un rapport, s'il n'y a pas la bonne volonté de la part du pouvoir de Bujumbura surtout, il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas d'accord. Nous allons continuer à croupir dans la misère. C'est pour cette raison que j'en appelle à la responsabilité du pouvoir de Bujumbura, de comprendre que les postes que les gens occupent aujourd'hui ne sont pas au-dessus des intérêts de la nation, ne sont pas au-dessus des intérêts du peuple burundais, et d'accepter de sauver, de libérer le peuple burundais au lieu de se sauver eux-mêmes. À vous entendre, il y a un blocage pour que le dialogue extérieur puisse continuer. Vous, en tant que politicien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour débloquer cette situation? Au niveau de l'opposition, nous avons déjà annoncé aux facilitateurs que nous sommes prêts à entrer dans des négociations inclusives sans aucune condition. Nous n'avons plus de conditions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons déjà élaboré un projet de négociation que nous avons déjà soumis à la médiation. Nous sommes prêts pour entrer dans ces négociations. Ce que nous demandons, c'est que de l'autre côté, il y ait cette volonté, il y ait aussi des propositions de comment sortir de cette crise. Léonce Ngendakumana, c'est le vice-président du parti Sawanya Frodebo. Et un homme qualifié de voleur à la machette a été tué par un policier dans la nuit de ce mardi à mercredi dans le quartier de Kibenga, à mairie de Bujumbura. Un autre a été blessé par des balles d'un policier dans le quartier de Butiriri. C'est un bilan décrit par Pierre Nkurunziza, porte-parole de la police, qui indique que la police a travaillé sur des informations données par la population de ces quartiers. Suivez Pierre Murikiye. La situation sécuritaire de cette nuit a été caractérisée à Bujumbura par des bandits qui ont été touchés par des balles des policiers. L'un est mort sur le champ et l'autre a été blessé à la jambe. Le premier s'appelle Miburo Joseph. Les faits se sont produits à Buterere vers minuit. Et celui-là a été blessé à la jambe. Et le deuxième, il est d'ici dans Kibenga, appelé communément Kibenga rural. Et il fait partie d'un groupe de voleurs armés de machettes qui commettaient des vols ces derniers mois. Pendant la nuit d'hier, trois personnes, dont la personne qui est morte sur le champ, se sont encore une fois donné le droit de venir voler la population avec des machettes. La police a été alertée. Elle est intervenue et a appréhendé l'un des trois avec sa machette. Et celui-là a demandé à la police d'aller lui indiquer le lieu où il y aurait d'autres machettes et d'autres malfaiteurs. Arrivé à l'endroit, au lieu de montrer ces personnes et ses effets criminels, il a commencé à résister à la police. Et la police a tiré et la balle a fait mouche. Le voleur est mort sur le champ. Voilà, c'était le porte-parole de la police nationale. Certains caféiculteurs de province Muyinga et Karusi dénoncent la nouvelle mesure de ne plus délivrer du café aux collecteurs, mais d'attendre le paiement en tranche. Ils expliquent qu'ils risquent d'être incapables de payer à leur tour. Les journaliers, ils demandent également que le prix officiel par kilogramme de café cerise leur soit communiqué. Ils l'ont dit hier dans l'émission Aiwanyu Avugwamaki de ce lundi sur Isanganiro. Et au niveau de l'agence de régulation de la filière café Arfik, on précise que la décision de payer des caféiculteurs par tranche a été concertée dans le cadre de tous les intervenants dans ce secteur. Jean Dodio Mutawazi trouve que c'est la minorité qui décrit ces décisions. Il ajoute également que le prix minimum du kilogramme du café cerise sera de 500 francs au kilo. Suivi, Jean Dodieu Mutawazi, c'est le premier responsable de cette agence, au téléphone avec Placide Niumongere. Nous avons un cadre de concertation entre les principales entités ou agences de la filière café. Après avoir constaté que payer chaque fois que le producteur amène du café au centre de collecte, il ne pourra pas réaliser un projet. C'est pourquoi nous avons décidé le système de fiche et d'abandonner le système de cash. Pour la première paye, ça sera par volonté, ça sera par demande. Sinon, il y aura une seule paye et maximum deux payes. Donc ça a été une décision concertée. Ces caféiculteurs expriment leur souhait, disent qu'ils payaient les journaliers qui font l'entretien. Alors comment ils peuvent se comporter face à cette mesure alors qu'ils doivent attendre qu'il y ait le paiement en tranche? Ceux qui disent cela, c'est une minorité. La majorité, elle est pour le paiement une seule fois, maximum deux, pour qu'ils puissent réaliser un projet comme c'était dans le temps. Ils déplorent que jusqu'à maintenant, le prix par kilo ne leur a pas encore été communiqué. Est-ce que pour le moment, l'ARFIC a déjà entamé les processus de fixation des prix? Le prix estimatif a été publié en considérant les cours mondiaux, qui fait que le prix minimum de kilo de cerises ne peut pas aller en dessous de 500 francs pour. Et même prochainement, les cours aussi s'améliorent, ça peut aller encore plus. On apprend qu'avec le café burundais, c'est le plus préféré par rapport au café de la sous-région. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bien sûr, pour hausser un peu le prix du café burundais? La campagne passée, le prix moyen était autour de 415 francs le kilo. Aujourd'hui, avec les nouveaux paramètres que nous avons, le prix est en train de monter et pourra même dépasser les 500 francs bout. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est que nous sommes en train d'avancer et que pour les campagnes prochaines, on pourra tout mettre en œuvre pour avoir un prix très motivant pour le producteur, pour le caféiculteur burundais. Jean Dodieu Mutawazi. 824 filles et femmes ont été embarquées dans un trafic des êtres humains vers les pays arabes, surtout en Arabie Saoudite et à Oman. Cela ressort du rapport de la commission permanente chargée des questions politiques, diplomatiques, de défense et de sécurité au Sénat. C'était ce jeudi lors de questions orales au ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale. C'est Jean-Marie Pascal, le président de la commission, a fait savoir que parmi ces derniers, 31 seulement ont été rapatriés. À la question de savoir ce que le gouvernement préconise comme barrière pour éviter la récidive, Alain Aimé Nyamitwe, ministre des Relations extérieures, dit que le Burundi a tous les instruments pour y répondre. Alors comme barrière pour éviter la récidive, je crois que c'est on a tous les instruments. Enfin, vous l'avez même dit dans votre présentation, on a tous les instruments, on a tous les outils. Maintenant, il reste de les mettre à l'œuvre. Je pense que le Burundi, c'est l'un des États au monde qui a des instruments légaux, bien rédigés et très au point. La question, on peut savoir ce qu'on en fait. Nous avons des instruments, nous avons des textes légaux, nous avons des engagements internationaux. Qu'est-ce qu'on en fait au niveau national? C'est la question fondamentale. Qu'est-ce que la police fait? Qu'est-ce que la justice fait dans le cas d'espèce? Nous n'aurons pas. Les gens qui font le trafic d'êtres humains sont des gens qui ont beaucoup d'argent et qui utilisent l'argent justement pour essayer de camoufler ou de blanchir leurs actes. Ils vont recourir à l'argent, forcément. Il faut donc par conséquent que nos gens en qui l'État a placé l'autorité de réguler la sécurité, de réguler le trafic, les migrations, que ces gens puissent prendre leurs responsabilités très au sérieux. Je sais qu'ils le font. Maintenant, il ne m'appartient pas, en tant que ministre des Relations extérieures, de représentant international, de savoir si effectivement ils font le travail comme il faut. Je crois que, encore une fois, leur département ministériel d'origine sont encore une fois bien placés pour répondre à la question. Voilà, c'était Alain Aimé Nyamitwe, c'est le ministre en charge des Relations extérieures. Dans le reste de l'actualité, un militaire a tiré en l'air deux coups de feu le matin de ce jeudi à la 25e avenue de la zone urbaine de Bouyenzi au niveau de l'hôtel appelé chez Mukono. Selon le porte-parole de la police, ce militaire était avec deux prostituées et ils se bagarraient pour une somme de 100 000 francs burundais. Les trois sont maintenant dans la main de la police pour un interrogatoire conséquent, précise Pierre Ngourikiye, porte-parole de la police. Et une prison de 20 ans, une amende de 2 500 000 francs burundais, des dommages et intérêts de 900 000 francs burundais. Telle est la sanction que le tribunal de grande instance de Bouanza a infligée à Nakarutiman André, un policier accusé de tentative de meurtre et de vol d'une moto. Il doit également remettre 1 217 000 francs burundais qu'il a dépouillé aux victimes. Et le verdict est tombé ce jeudi après que le ministère public ait demandé une prison de 17 ans pour ce détenu. C'était ce mardi. Et quatre hommes de la commune Kabarole en province Kayanza ont été condamnés ce mercredi par le tribunal de grande instance à une peine allant de 2 ans et demi à 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'une amende allant de 10 à 15 millions de francs burundais. Ils ont été surpris chez eux avec 159 kg de coltan ce lundi. Eric Ndikumana et Antoine Nyoneze vont payer 10 millions d'amende ainsi qu'une servitude pénale de 5 ans pour commerce illégal de minerais. Un certain Philippe écope de 10 ans d'emprisonnement et 15 millions d'amende, tandis qu'un autre, connu sous le nom de Gabriel, a été condamné à 2 ans et demi d'emprisonnement et sa moto a été saisie et sera mise dans le trésor de l'État. Et justement, plus de 1 500 kg de minerais et autres marchandises fraudées ont été saisies par la police dans des opérations conjointes avec l'Office burundais des recettes OBR. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Sécurité publique lors de la présentation ce mardi des réalisations du ministère de la Sécurité publique pour le premier trimestre de cette année. Dans cette conférence de presse, le ministre Alain Guillaume Mugnoni a également déploré qu'il s'observe toujours des cas de malfaiteurs arrêtés par la police, mais qui sont par la suite relaxés par les instances judiciaires sans qu'ils soient pour autant innocents. Deux raisons sont à l'origine de cette situation, notamment le manque d'éléments suffisants à charge ou la complaisance de certains officiers du ministère public et des magistrats. Enfin, plus de 6 000 litres de boissons prohibées ont été versés, plusieurs objets de production et de vente saisis. C'était lors d'une perquisition menée sur la colline Kizuka et Kagongo en commune Provence Rumonge ce mercredi. À côté de leurs effets néfastes sur la santé des consommateurs, ces boissons prohibées sont des sources d'insécurité, selon Domitien Manirakiza, commissaire provincial de la police à Rumonge, qui indique que si parmi les producteurs de ces boissons sont sous les verrous et une quarantaine de hectares de champs de haricots a déjà été attaqué par la mosaïque commune du haricot en province Rumonge, les cultivateurs redoutent déjà une chute de la production à la saison culturelle B. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Rumonge conseille aux cultivateurs de pulvériser les champs dès l'apparition des pucerons noirs. Il est 13h21 à Bujumbura. C'est sur ces nouvelles de la province Rumonge que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Séraphine Hakizimana a mis en onde ce journal que vous présentez. Jean Bosco Nduwimana. Un bon après-midi.